France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Qu'aurait été, avec un autre que lui, la chienne, Boudu sauvé des eaux, la talente, drôle de drame ou la poison? Que vaudrait aujourd'hui beaucoup d'autres films dont sa seule présence faisait tout le charme, surtout quand il y poussait, aussi mal que merveilleusement, la chansonnette. Michel Simon, à l'écran comme sur scène, c'était un corps, un visage, une voix, venu d'une planète bien plus lointaine que la Confédération helvétique où il était né la même année que le cinéma. Combien on dit de lui qu'il était le plus grand acteur du monde ? Plus, c'est d'ailleurs un adverbe qui revient souvent quand on évoque Michel Simon. Le plus monstrueux, monstre sacré, monstre tout court. Le plus érotomane, avec ses collections d'objets, d'images pornographiques et ses penchants les moins avouables. Le plus mystérieux, au point que certains ont cru voir en lui un agent des services secrets de l'Est. Le plus délicat, le plus sensible, le plus tyrannique, le plus consciencieux, le plus généreux. Le plus amoureux des animaux, à coup sûr, jusqu'à l'extravagance. Michel Simon, le plus étrange, le plus bizarre et le plus seul peut-être des comédiens auxquels rendait hommage Simone Dweck en 1985 avec un numéro des Mardis du cinéma auquel participaient certains de ceux qui avaient été ses partenaires comme Françoise Seigné, Arletty ou Daniel Gélin. Mardi du cinéma, Michel Simon, une émission diffusée la première fois le 23 avril 1985 sur France Culture, avec la voix de Michel Simon et celle de Jean Renoir. Je l'ai rencontré quelques jours avant sa mort, quelques semaines on peut dire, et il m'a donné sa dernière interview. Et il se trouve que c'était pour moi ma première interview. Je débutais et j'avais sonné à sa porte. Et sachant que je débutais, il m'a ouvert. C'était assez pathétique parce qu'on le sentait évidemment très très fatigué. Il était malade, il était voûté. Il avait du mal à s'exprimer, il fallait le ménager. Mais il avait aussi des moments d'éclat. Quelques jours après, il était hospitalisé. Et puis bon, il est décédé à l'hôpital Saint-Camille à Brie. À l'enterrement de Michel Simon, il n'y avait que 3 personnes. Dans la grande église de la Madeleine, 3 personnes ont accompagné Michel Simon à sa dernière demeure, Marcel Carnet et Michel Serrault et moi, puisque nous venions de tourner avec lui. Par conséquent, nous, on était les derniers à l'avoir connu. Et on était 3. Alors, on a été vraiment très frappés. À ce moment-là, j'ai eu une espèce de haine du public, à contrario. Je dis, comment on laisse partir ce type-là tout seul? Il était d'ailleurs sûr de ce qu'il apportait, lui, comme ça. C'était l'instinct même, avec derrière une grande intelligence, raffinée, malicieuse, mais un sens de l'intégrité de son art, absolument admirable sur le plateau. Comme tous les gens forts, il était très vulnérable, très sensible et très émotif. Il avait peut-être un côté enfant en lui, probablement d'ailleurs. Quand même, des êtres qui peuvent donner ce que donnait Michel Simon ne sont pas des gens qu'on rencontre couramment dans la rue. L'art à la une, quoi. C'était un grand acteur, si simple. On a dit souvent, comme on l'a dit de Rému d'ailleurs, que c'était un emmerdeur. Je crois que les grands acteurs qui connaissent bien leur métier et qui voient le travail mal fait autour d'eux sont forcément des emmerdeurs, vous comprenez ? Alors qu'est-ce qu'il dirait maintenant le pauvre homme ? Michel Simon a tourné sans un film. Il est apparu dans 7 courts-métrages. Il n'a jamais écrit de scénario, à part une collaboration au film de Jean Vigo, La Talente. Sur le plan cinématographique, Michel Simon a mis en scène Jean de la Lune, qui était au départ mis en scène par Jean Choux. Et Jean Choux n'a pas su mener l'affaire à son terme, et c'est Michel Simon qui l'a fait à sa place. Seulement, le contrat a été respecté, et c'est le nom de Jean Choux qui est apparu au générique. Je crois que c'était le dernier monstre sacré. Aujourd'hui, les vedettes ont quelque chose, ont un aspect accessible. Lui, ce n'était pas le cas. Il pouvait être très, très tranchant, très même violent. Et il était difficilement abordable. L'histoire de Michel Simon, c'est un peu l'histoire du cinéma. D'abord, il y a cette date, 1895, de naissance. Celle du cinématographe des Frères Lumière, celle du comédien. Et puis, il y a ses réalisateurs, comme Jean Vigo, Jean Renoir, Karl Dreyer, Marcel L'Herbier, Pabst, Marcel Carné, René Clair, Sacha Guitry, auxquels le nom de Michel Simon est si étroitement lié, car leurs films, entrés dans l'anthologie du cinéma, existent autant par l'art du metteur en scène que par les personnages créés par l'acteur. L'acteur, au théâtre, au cinéma, sur les planches, sur le plateau, dans la vie. Le même être, l'être multiple, le diable et le bon Dieu, celui que l'on admire, celui qui nous échappe. Avec les voix de Ludmila Pitoëff, Jean Renoir, Paul Guth, naturellement Michel Simon, et les témoignages d'Arletty, Françoise Seigné, Didier Baudet, Roger Corbeau, Daniel Gélin, Léon Lessac, Jean-Pierre Mocky et Xavier Pasquini. J'ai eu la chance de visiter sa maison et ensuite j'ai eu la peine de visiter cette maison après sa mort et j'avoue que ça a été assez pénible parce que cette maison qui avait été construite par Gambetta, qui avait été habitée par Alfred Jarry, qui était donc une maison historique, a été abattu. Qui se situait en banlieue ? À Noisy-le-Grand, oui. Les héritiers ont vendu la maison. Et quand je suis allé, un jour en passant, j'ai vu que les ouvriers étaient dedans et démolissaient. J'ai vu que les planchers étaient éventrés, que des documents traînaient partout, que les ouvriers faisaient cuire leur frichti avec des bouquins de Michel Simon, avec des papiers personnels. Alors j'ai pris un grand sac et j'ai rassemblé tout ce qui pouvait être rassemblé. J'ai essayé d'alerter la municipalité ou des organisations parce que à l'intérieur de la maison, il y avait deux immenses appareils photo que Michel Simon avait construits lui-même. Des appareils qui faisaient, pour l'un, je crois, plusieurs mètres de long. Enfin, c'était sur rail, c'était très, très intéressant. Et puis, on m'a répondu qu'on ne pouvait rien faire. Alors, cette maison est abattue, ces appareils ont été saccagés. Il n'est plus rien resté. Alors, il y avait des arbres aux essences rares, tout a été rasé. Et puis aujourd'hui, il y a des maisons. Et bon, ces maisons sont luxueuses, bien entendu. On appelle ça le clos Michel Simon. Et c'est assez dérisoire. Est-ce que vous pouvez la décrire, alors, cette maison et son jardin, son parc plutôt, parce que je crois Il y avait un immense parc, oui, dans lequel il avait fait enterrer sa Zaza, sa guenon. Il y avait une tombe avec une plaque de verre qui glissait. Et comme ça, il pouvait la toucher. Enfin, c'était son aspect un peu morbide. Il y avait beaucoup d'arbres. Alors, évidemment, sur la fin de sa vie, c'était en friche. C'était pas tellement bien entretenu. Mais cette maison, donc, il y avait des arbres offerts par des grands comédiens, par des grands auteurs. Il vivait dans un monde où chaque arbre, chaque buisson avait été touché ou planté par quelqu'un d'important. Et c'était un petit paradis dans ce sens-là. Je voudrais dire aussi qu'il y avait un garage, et dans ce garage, il avait entreposé les films que Langlois lui avait confiés. Et que lorsque la cinémathèque? Voilà. Et que lorsque la maison a été abattue, eh bien, j'ai retrouvé des morceaux de films. Et je pense qu'il y a eu des bobines de saccagées avec la maison. Alors, c'était une vieille bâtisse. Il y avait je pense au départ, une pièce ou deux, et on avait rebâti dessus. Ce qui marquait surtout, c'était à l'extérieur de la maison, il y avait ce qu'on appelle l'ascenseur à guenon. C'est une espèce de cage qui grimpait sur deux étages. Il mettait la guenon en bas, et elle grimpait sur le toit, où elle allait se faire dorer. Et elle redescendait par le même moyen. Alors ça c'était assez pittoresque. Et dans les papiers que j'ai retrouvés, il y avait des constats d'huissier avec toutes les œuvres, toutes ces collections, tous ces tableaux, il y avait énormément d'objets d'art. Plusieurs litos de Bélanger, d'Everia, d'Amourette. 22 planches diverses, noires et blancs, et couleurs. Des gravures de Boucher et autres fragonards. Ouvrage des dessins 1900, les tableaux vivants. Livre des gravures anciennes, vie de femme, 1834. Dossier avec 43 planches de Verrias. Aquarelles érotiques. Gégère, Vienne, 1909. Album L'Académie des Dames. Exemplaire 286 de Albert Marquet Verlaine. Petit album religieux. Gravure de Deverias. Album avec 11 exemplaires originaux. Le Divin Marquis. Suite des gravures de Chauvet, Casanova. Livre Le Petit Chaperon Rouge, aquarelle. Exemplaire numéro 14 des Eaux Fortes, L'Amour sans joie, par Ago. Les Eaux Fortes pour illustrer le Jardin des Supplices. De Mirbeau. 6 planches de Dubout. Gadget. 10 gravures de Santipa en couleur. Des eaux fortes noires et couleur. Scène des maisons d'illusion. De Courboule. Ouais, c'était un érotomane distingué, mais c'était un obsédé, effectivement. Et il avait un côté effrayant, c'était un monstre. Moi, je pense que c'était un monstre sacré, mais un monstre tout court. C'est-à-dire que c'était quelqu'un certainement d'invivable, parce que exigeant, parce que il pouvait pousser jusqu'à la folie, jusqu'au délire, ses lubies. Et ça, c'est un aspect inquiétant quand même. Mmh. Et puis en même temps, un monstre de gentillesse. Parce qu'il adorait les animaux, il était d'une grande tendresse avec eux. Autant il détestait les hommes et leurs petites mesquineries, autant il adorait les animaux. Il était très, très... il était presque excessif dans son amour des animaux. C'était d'ailleurs un de ses derniers combats, la lutte contre la vivisection. Ça l'horrifiait, et à juste titre. Il a donné de l'argent, beaucoup d'argent, à des associations qui luttaient contre la vivisection. Il a milité, on peut dire. Il a permis l'utilisation de son nom. Il a beaucoup fait pour les animaux, pour les paumés, je dirais. Il avait ce côté à aimer les paumés. Oui, j'ai eu de grandes émotions quand je vais m'abîmer dans les genres de cafards, dans les petites ruelles autour de la porte Saint-Denis ou de la porte Saint-Martin, avec des gens du peuple qui sont extraordinaires, parce qu'en peu de mots, ils sont convaincants, ils sont... Un jour, j'allais faire mon marché, ça m'arrive de faire mon marché, rue Saint-Denis, et là, une marchande de légumes m'interpelle à travers la rue. « Ah, me dit Michel, je t'ai entendu à la radio l'autre jour, tu as toujours ta jolie voix. » Personne n'a ri. Ça m'a bouleversé. Ma jolie voix, ben, elle trouvait que j'avais une jolie voix, mais c'est merveilleux. Je ne l'ai pas cru, évidemment, mais enfin, ça m'a touché profondément. Je pense qu'il faut chercher dans sa jeunesse l'explication de à la fois de ses comportements et puis finalement de sa vie entière, parce que bon, il avait un physique assez épouvantable, ça il l'a su très tôt et il l'assumait pas forcément très bien, je pense. Et puis il y a le fait que c'était un garçon d'une sensibilité extrême. Et il était fils de charcutier. Ne réussissant pas des études formidables, son père l'a envoyé à l'abattoir. C'est-à-dire qu'il avait une quinzaine d'années quand on l'a mis avec les bouchers pour abattre les cochons. Et là, ça a été le drame. Il s'est rebiffé, il s'est battu à coups de marteau avec les bouchers, il ne supportait pas, il entendait les cris des animaux qu'on tuait, enfin c'était du sang partout, ça il n'a pas supporté. Ça l'a marqué. Il a eu une vision du monde qui l'a choqué à ce moment-là, et je crois que ça l'a fortement impressionné. Et qu'à partir de cet événement précis, des comportements par la suite sont explicables. Et qui a fait lui un révolté, au fond. Un révolté, oui, parce qu'il était très révolté. Et révolté contre la méchanceté, la cruauté, la bêtise. C'était quelqu'un qui se situait en dehors des normes. Mais il avait des raisons. Il ne voulait pas admettre la méchanceté, il voulait pas. Et il lui-même a été méchant vis-à-vis de certaines personnes. Mais il le faisait finalement avec bonne conscience, parce qu'il se disait, après tout, ce sont des hommes, donc ils le méritent. Michel Simon, écolier à Genève. J'avais inventé un mastic. Mais pour ma petite industrie, évidemment, il fallait beaucoup de tranquillité. Je préparais mes mastics. Et un jour, le professeur m'a dit, j'ai l'impression que je vous gêne avec mes cours. Je dis, mais pas du tout. Si, si, si, j'ai ce sentiment. Et ça me gêne que vous soyez au premier rang. Si vous voulez, nous allons vous donner le dernier banc. Vous installerez votre petit commerce. Et je vous donne ma parole que je ne vous pose plus jamais de questions. Paul Gut. Évidemment, mon cher Michel, tu as un charme fou. D'ailleurs, ma femme me dit toujours « Quel charme il a, ce Michel !» Seulement, tu n'ignores pas que tu as un visage plutôt, comment dirais-je, plutôt... Tourmenté. Animé. C'est bien suffisant. C'est ça. Or, ces visages animés sont très inquiétants pour les professeurs. Les professeurs croient toujours voir dans les plis, dans les méandres de ces visages animés, se cacher des grimaces. Portrait de Michel Simon, Paul Gut. Le menton forgé à coups de marteau lui remonte jusqu'au milieu du visage et semble se démantibuler aux charnières des mots. Ses joues se gonflent en deux ballons de chair entre lesquels s'enfouit le losange de la bouche qui s'ouvre et se ferme en coulissant. Le rire découvre un cercle de dents minuscules, un anneau de gigesse d'ivoire au centre duquel flotte la langue qui écrase ou délivre la parole, source ou bouillie. Dans l'effort vocal, elle dérape. Il cligne des paupières pour retenir la glissade, se raccroche, laisse crever la bulle du mot, puis sourit béatement, comme s'il assistait sur un meulier à la naissance du vocabulaire. Au-dessus du nez de boxeur cassé, blindé de plaques de chair, règne la grâce. Les yeux admirables, agiles, rieurs d'un brun sans défaut, s'enchâssent dans des paupières qui peuvent se rabattre en capote de cuir dans l'hivernage de l'ennui ou se relever à fond pour le comique ou la stupeur. Lavé de tout soupçon, il s'accorde avec les cheveux bouclés qui ressemblent à ceux des pâtres grecs et qu'agrémenteraient quelques couronnes de gloire ou de vendanges. De taille monumentale, il a l'air d'un bébé immense ou d'un athlète en pantoufles. Il se tord dans des mimiques de foire, dans des courtoisies de Bouddha, et tournoie autour d'un axe imaginaire pour échapper à lui-même. Soudain, il flûte des minauderies de fillettes dont il est le premier à rire. Il s'assombrit dans un nuage, philosophe, vitupère, s'illumine, zébré d'éclairs. Construit des appareils photo et ça, c'était sa grande passion. Et qu'est-ce qu'il aimait photographier ? Je pense que les femmes devaient être son sujet de prédilection, oui. C'était un grand amoureux. Et j'avais vu des photos de femmes, il en avait énormément. C'était, je crois, son sujet favori, oui. L'an dernier, au salon de l'érotisme, il y a eu un stand où étaient exposées des photos de la collection de Michel Simon. Alors, il y a beaucoup de photos de bordels d'Afrique du Nord, de Paris, des photos de femmes nues, des photos très ambiguës. Enfin, c'était son sujet, ça. Tout ce qui l'intéressait avait trait à l'érotisme. Ma première révélation date du musical où j'ai vu Colette. qui jouait un mimodrame et qui tenait une salle en haleine par sa seule présence. Je n'ai pas très bien compris comment, et s'il y avait une méthode derrière ce qu'elle faisait. Et puis, ceci se passait, je crois, en 1912 ou 13. Et puis, en lisant Colette, et en la lisant et en la lisant aujourd'hui, je m'aperçois que le plus grand écrivain français serait bien en peine d'expliquer comment il arrive à écrire ces chefs-d'œuvre qui, à nous, nous paraissent si limpides et si faciles et qui lui coûtent tant de mal. Sûrement qu'il n'y a pas de méthode derrière cela, il n'y a que l'intuition et le génie. Il n'y a rien à tirer de Michel Simon, disait Charles Dullin. Cet homme ne sera jamais un acteur. Quant à Georges Pitoëff, il trouvait sa diction exécrable et ses rôles massacrés. Cependant, à cette époque, à Genève, Michel Simon jouait dans la troupe de Georges et Ludmila Pitoëff. Il a découvert le théâtre à ce moment-là, et puis le fait d'être accepté dans la troupe au départ pour faire plus ou moins les maquillages, ou il était venu les voir pour faire des photos au départ. Puis après, bon, il a fait des petites choses, et puis il s'est implanté, et puis il a eu sa place. Il réalisait un rêve, en fait. Oui. Oui, il voulait... Il s'est senti fait pour la comédie, pour le théâtre, pour... Il jouait. Et puis ça lui permettait d'être finalement ce qu'il ne pouvait pas être dans la vie. Parce que sur scène, on peut être beau, alors que dans la vie, on ne l'est pas forcément, et c'était son cas. Alors il pouvait dépasser tout ça, il pouvait un peu régler ses problèmes. En fin de compte, il les a jamais tellement réglés, parce qu'il était assez déséquilibré. Bon, puis une période de sa vie où il s'est drogué, où ça n'allait pas bien du tout. Avant-guerre, il tournait dans la journée, il jouait au théâtre le soir, il menait plusieurs films de front, enfin c'était quelque chose d'assez éprouvant. Et donc là, il avait éprouvé le besoin de se droguer, de... Je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais été très très bien dans sa peau. Et je crois qu'il ne pouvait pas, il était déséquilibré au départ, et puis en même temps, il n'avait pas de certitude. Ainsi, grâce à cet espéranto qu'est le théâtre, un metteur en scène russe avait révélé un acteur suisse au public français. Et maintenant, Ludmila Pitoëff et Michel Simon vont évoquer les souvenirs de leur glorieuse carrière commune et de leur début. Voyons, Madame Pitoëff, quel est le premier souvenir qui vous vient à l'esprit lorsque vous vous retrouvez devant Michel Simon ? Le tout premier était dans Mesure pour mesure, où Michel Simon n'avait qu'une phrase à dire, une phrase très courte, mais il la disait d'une telle manière que nous étions tous malades de rire. Comme ça, non seulement on l'a remarqué tout de suite, mais immédiatement, Georges le voulait, et puis c'était un amusement et un émerveillement de jouer ensemble. J'avais le trac, c'était la première pièce que je jouais. Et puis le trac, mon Dieu, ça ne m'a jamais quitté. Mais vous souvenez-vous quand vous jouiez la mouette et que j'allais tous les soirs assister au troisième acte? Vous vous souvenez de ça? Je me souviens très bien. Je sortais de scène comme une fontaine couverte de larmes et il m'accueillait dans ses bras me disant qu'il avait écouté plus qu'attentivement une fois de plus. Ça se produisait tous les soirs. Nous avons joué ensemble Mademoiselle Bourrin où il était mon beau papa et j'étais sa bonne petite fille. Et dans les moments de mes grands malheurs, il me consolait sur scène et c'était très sincère. Nous pleurions à chaudes larmes tous les deux. Un acteur. Au théâtre, au cinéma, le même art, le même jeu, la même simplicité, la même évidence. Françoise Seignier l'a rencontré en 1965 au théâtre Gramont lors de la création de la pièce de René de Obaldia, Du vent dans les branches de Sassafras. Cette rentrée des branches de Sassafras, qui était une pièce absolument magnifique de Obaldia, était pour lui une très grande rentrée au théâtre. Et j'ai vécu avec lui, c'est pour ça que le fait que vous me demandiez de parler de lui, et pour moi, d'abord d'avoir rencontré cet immense, immense acteur. Mais il a eu énormément de mal à assumer ce travail au départ, si bien que nous avons répété près de 2 mois et demi, 3 mois. Il apprenait doucement. En fait, c'était sa forme de travail. Et je la comprends très bien, je ne veux pas me comparer à Michel Simon ô combien. Je crois qu'il ne savait un texte que quand son personnage, il le tenait par le bout des pieds, la pointe des cheveux. Et quand il était vraiment rentré dans son bonhomme, les mots qui sont accessoires venaient après. Le soir de la générale, Il avait évidemment un trac effrayant. Il n'avait pas été donc face au public depuis de longues années. Et il a dit sa première phrase et puis il a eu l'angoisse, il a eu un trou. Il est parti au fond, la souffleuse soufflait, il n'entendait pas. Et doucement, doucement, au fond, je lui ai soufflé doucement et il est reparti. Il était absolument génial, il a été absolument génial. Il avait créé ce personnage de Rockefeller. Il s'était trouvé un pantalon tout déchiré et il avait trouvé une ficelle qu'il mettait autour de son ventre. C'était un acteur qui, à l'encontre de beaucoup d'autres acteurs, et Dieu sait s'il était consciencieux quand il était sur le plateau, mais arrivait au moment où on frappait les trois coups. Il sautait dans ce pantalon déchiré et il finissait de mettre la ficelle qui tenait ce pantalon en scène au moment où le rideau se levait. Il avait eu un geste génial d'ailleurs, le rideau se levait sur la famille Rockefeller qui devant la soupe faisait la prière et remerciait le Seigneur de lui donner de quoi manger. Et il avait pris la louche et son signe de croix, il le faisait avec la louche. Alors il nous a fait ça le premier soir ou le deuxième, le premier soir il y avait le trac. Mais le deuxième soir il nous a fait ça, j'avoue que c'était extraordinaire. Et nous avions mis évidemment une souffleuse pour le rassurer derrière la fenêtre de cette petite maison qui était censée être un ranch minable. Et les premiers jours, évidemment, il avait quelques trous, tout au moins les grands silences qu'il était capable de prendre parce qu'il jouait admirablement la comédie. Et je crois qu'un acteur qui sait jouer les silences, c'est un très grand acteur. J'ai beaucoup appris près de lui, beaucoup, beaucoup. La décontraction, le fait de ne pas donner des sens aux mots qui n'en ont pas, de ne pas mettre les mots en avant, mais d'être, et non pas de vouloir être, ça, c'est grande science. Et il était donc, il avait donc certains trous, et la souffleuse lui soufflait. Et comme elle soufflait très très fort, il se rendait compte que le public avait entendu la souffleuse. Et alors, pour montrer qu'il n'était pas dans son tort, il inventait du texte qui était quasiment ce qu'il avait à dire. Mais c'était si magnifique qu'un jour, Obadiah, dans la salle, est monté sur le plateau après la représentation et lui a dit « Il faudrait noter ce que vous dites, parce que c'est meilleur que ce que j'écris. » Oh, Bascar, les pigeons, Bascar! Ça fait plus de 100 fois que j'entends le même disque. Tiens, je pourrais enchaîner la suite, sans me tromper d'un iota. La fureur des foules, enfin, de ce qui en reste. La police, la fuite en Égypte, la conscience comme une éponge. Tout pipe, malheureux et polyvalent. J'ai dit là, Johnny, tu es le meilleur des hommes. Ce calme ne présage rien de bon. Il était d'un fair-play en scène admirable. J'ai eu affaire à des comédiens comiques tout au long de ma vie. Faut se défendre pour placer son effet, il vous piétinerait volontiers. Lui, jamais. Il admettait le travail de l'autre et en scène, il aidait, c'était magnifique. Et en sortant, il riait parce que dès qu'on avait eu une invention et tout ça, il vous disait « Oh, oh, oh, c'est bien, c'est bien. » Un grand bonhomme, très tendre, avec les femmes surtout, avec les gens qu'il aimait bien. Je pense que, comme toujours, et comme tout le monde, ceux qui n'aimaient pas, il leur menait la vie dure. Quand une chose me passionne, j'apprends très vite mon texte. Et puis le personnage se dessine quelquefois malgré moi, quelquefois il faut l'aider, mais enfin, il a absolument raison, c'est du reste comme la poésie, ça ne naît pas sur un appel, contrairement à ce que pensait Boileau, et je ne pense pas qu'il y ait de méthode pour faire une œuvre d'art. Le personnage, vous ne le possédez jamais complètement parce que j'ai fait cette expérience au théâtre, j'ai créé Joe les bras coupés en 37 et puis je l'ai repris en 50. Eh bien, je l'ai joué évidemment différemment en 50 parce que j'étais plus âgé. et que j'avais d'autres partenaires, je l'ai joué en 37 en fonction de ceux qui me donnaient la réplique, de l'adorable Victor Boucher, d'Arletty l'unique, et je l'ai joué avec d'autres interprètes, et je l'ai joué également avec un autre public. Alors j'ai dû le jouer différemment, mais en réalité, je crois qu'on ne fait rien de ce que l'on veut faire. Pour lui, certains jours commençaient sur un plateau de tournage, continuaient sur un autre plateau, se terminaient le soir sur une scène de théâtre. Le cinéma, il l'aimait, et depuis ses deux premiers films en 1925, avec Marcel L'Herbier et Jean Choux, il ne s'est plus arrêté. Xavier Pasquini. Moi, je crois qu'un de ses grands rôles, c'est dans La Poison. Le film de Sacha Guitry, là, il est... C'est un de ses plus grands rôles. Paul Braconnier est un paysan qui est malheureux dans le ménage depuis 30 ans. Alors, il ne sait pas trop comment s'en tirer parce que les paysans ne divorcent pas. Et surtout, ce qui m'a enchanté, c'est de trouver pour la première fois sur le plateau un homme que j'admire et pour qui mon admiration ne s'est jamais démentie dans les plus mauvais moments. C'est le grand Sacha Guitry qui était non seulement l'auteur du scénario, mais le metteur en scène et un ami adorable. Ce paysan est vu par Sacha Guitry, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'esprit, qu'il est très drôle et qu'il est néanmoins qu'il est malheureux en ménage. Il va trouver le curé du village et lui demande des conseils pour se sortir d'affaires. Ben, le curé lui conseille de continuer de faire son salut puisqu'il a une occasion de le faire d'une façon valable. Et puis il entend un jour à la radio un avocat célèbre qui en est à son 100e acquittement. Mais ça, je vais vous laisser la surprise parce que vous irez voir le film, j'espère. Par exemple, avec Sacha, il s'est passé une chose magnifique. C'est que pour la première fois de ma vie, j'en suis à mon 99e film après 30 ans de théâtre et de cinéma. Sacha prenait toujours la première scène. Et j'estime, depuis 30 ans que je fais du cinéma, que c'est toujours la première scène qui est la bonne. Mais c'est la première fois que je vois un metteur en scène choisir la première scène, parce que, en général, un metteur en scène ne s'occupe jamais de l'interprète, mais de la caméra, du photographe, de toutes choses que le public ignore et dont, passez-moi l'expression, il se fout éperdument. On demande au photographe, êtes-vous bon, êtes-vous content de la photographie? S'il dit oui, c'est la scène que l'on choisit. Eh bien, Sacha, qui n'est pas seulement un auteur de génie, mais un acteur immense, choisissait toujours la première scène. Et nous ne recommencions plus. Je n'ai tourné qu'une fois la plupart des scènes de ce film. Michel Simon, ce film que je viens de réaliser me réservait l'une des plus grandes joies que j'ai eues au théâtre. Car on ne m'empêchera pas d'appeler cela du théâtre. Jamais encore je ne vous avais eu pour interprète. Eh bien, vous êtes exceptionnel, je dirais même unique, car entre le moment où vous cessez d'être vous-même et où vous jouez votre rôle, il est impossible de voir la soudure. Et il en va de même lorsque, cessant de jouer, vous redevenez vous-même. Si bien que, en principe, il n'y a aucune raison d'interrompre les prises de vue. Je vous situe parmi les plus grands comédiens. Frédéric Lemaître, Sarah Bernard, mon père, Zacconi, Charlie Appin. Comme eux, vous êtes seul, isolé volontaire. Comme eux, vous possédez cette vertu précieuse qui ne s'acquiert pas et qui n'est pas transmissible. Le deus du théâtre, c'est-à-dire la faculté de faire partager aux autres des sentiments que vous n'éprouvez pas. Ah, vous n'êtes pas de ces acteurs qui réunissent autour d'eux des troupes. Non, non, vous n'êtes pas de ces acteurs qui donnent des leçons. Car ce que vous avez d'admirable en vous, cela ne peut pas s'apprendre et cela ne peut surtout pas s'enseigner. Signé Sacha Guitry, septembre 1951. 1932, Boudu sauvé des eaux. Boudu, clochard étoilé, désespéré, se jette à l'eau. Il est recueilli par un libraire. Boudu dans le satin. Boudu mange les sardines avec les mains. Boudu crache dans la physiologie du mariage de Balzac. Boudu choisit, à nouveau, les bords de la Seine. Cette pièce est donc de René Fauchois. Et évidemment, Michel Simon campe un personnage formidable. Il va à l'encontre de tout. C'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Et je crois que ça a beaucoup joué dans l'image qu'on s'est fait lui par la suite. Il a été assez épouvantable, assez démesuré. C'est l'image du révolté. C'est le révolté qu'il est lui-même un peu. Oui, il était très révolté. Et il a pu, là, s'exprimer pleinement. Il était fait pour ce genre de rôle, absolument. Avant tout, ce qui semblait évident, c'était les possibilités que le rôle de Boudu offrait à Michel Simon. Ce rôle de clochard inadaptable semblait avoir été conçu pour cet acteur de génie. Jean Renoir. Grâce à la réputation de Michel Simon, le financement du film put être assuré. Le succès dépassa nos espérances. Le public réagit avec un mélange de rire et de fureur. Boudu, longtemps avant la lettre, annonçait le mouvement hippie. Que dis-je ? Boudu était le hippie parfait. Dans une scène où il décrottait ses chaussures avec un couvre-lit de satin, les spectateurs, surtout femelles, poussaient des cris de fureur. Mais ils étaient vite conquis par la cocasserie de la situation et de l'interprète. L'Atalante. Oui, alors le film de Vigo a été réalisé parce que Michel Simon l'a voulu. Vigo était venu le voir en lui donnant le scénario. Les grands actes, plus exactement, et Michel Simon s'est emballé. Et il a mis tout son poids dans la balance pour que ce film naisse. Et je dirais que ce film a la patte de Michel Simon. Vigo a pu faire ça parce que Michel Simon était quelqu'un qui faisait confiance aux débutants, qui faisait confiance à ceux qui étaient exclus de la société. On tombe toujours dans ce contexte de sympathie vis-à-vis de ceux que la société rejette, de ceux qui ne sont pas bien compris, pas bien perçus. Et là, il était prêt à jouer, à mettre de l'argent, à s'investir, à permettre que des choses se réalisent. Le père Jules, ce vieux marinier, est un personnage extraordinaire, ce vieux bourlingueur. Oui, mais là encore, on retombe dans le personnage démesuré. Le fou qui est amoureux aussi, qui est sensible, sous des aspects de dur, de tatoué, d'analphabète, qui se cherche un peu, mais qui est d'une sensibilité énorme. C'est toujours, il y a une ligne dans les rôles qu'a tenu Michel Simon, c'est la sensibilité. 1931, La Chienne. Jean Renoir avait tourné son film grâce aux bénéfices apportés par On purge bébé. La Chienne, Jeannie Marez, envoûtant le personnage rangé qu'est Monsieur Legrand. Voici Michel Simon, peintre à 16 heures, en victime presque consentante des prostituées et des mauvais garçons. La quête profonde de la justice, l'échec de sa passion, la tromperie des autres révèlent en lui la révolte. Il finira clochard, détaché, ironique, lucide, une semi-victoire. Jean Renoir avec Michel Simon en 1955. Je crois que la fabrication des films, ça ressemble beaucoup à la fabrication des enfants. Oui. Il faut s'aimer un petit peu, il faut toucher un petit peu, oui, il faut attendre. Le plus que 9 mois, tout. Ah, voilà. Et puis... Oui, seulement voilà, il y a pas beaucoup de monde avec qui on ait envie de... Non. Enfin, d'attendre. Ah, tout de même. Ah, Jean-Pierre. Dites donc, la chienne, hein? La chienne, oui. Dites donc, vous vous rappelez quand au studio, le costume de clochard. Oh, hein? Oui, oui, oui, oui. Ah, oh, c'est une histoire insensée. Un costume de clochard formidable. Oui. Mais alors, acheter un vrai clochard, mais le plus beau clochard de Paris. Oui. Alors, on achète le costume, n'est-ce pas? Et puis, on l'amène au studio. Et puis, ils l'ont pris, ils l'ont regardé, ils ont dit, oui, c'est un très beau costume de clochard. Alors, ils l'ont fait nettoyer, désinfecter. Et puis, voilà, mon Michel, le lendemain, il avait l'air de marquis. Michel Simon, victime. Il était parfois masochiste, Arletty nous le dira. Xavier Pasquini. Certainement, oui. Oui, bah, son ambiguïté était là aussi. C'est qu'il avait des comportements proches du sadisme certaines fois. Et puis, il avait aussi des tendances masochistes, mais même physiquement. Pour ce livre, nous avons rencontré des prostituées et elles nous ont fait quelques confidences qu'on n'a pas pu rapporter. Mais effectivement, il avait des tendances masochistes. Et je pense que moralement aussi, il aimait bien être à la fois tyrannique et à la fois sous la coupe de quelqu'un. Drôle de drame, 1937. Drôle de drame a été le point de rencontre entre Louis Jouvet et Michel Simon, et ils ne s'entendaient pas très bien. Ils s'étaient fréquentés au théâtre, mais il y avait une espèce de rivalité. Et dans le jeu, c'était une sorte de surenchère. Alors l'un était glacial, c'était Jouvet, et l'autre en rajoutait, c'était Michel Simon. C'était assez éprouvant, je pense, pour les techniciens, pour tout le monde. Et ce qui est à noter, enfin c'est anecdotique, c'est la consommation de champagne pendant ce tournage, parce que Michel Simon et Louis Jouvet s'étaient mis à boire du champagne pour une scène, et tout le monde s'y est mis. Françoise Rosé, pour la dernière scène, celle où Jean-Louis Barrault plongeait nu dans la piscine. Elle ignorait que Jean-Louis Barrault serait nu. Alors, quand elle l'a vu, elle était très choquée. Et pour s'en mettre de ses émotions, elle est allée boire le champagne, elle aussi, alors qu'elle n'en avait pas bu avant. Et ils se sont retrouvés avec une note fantastique de champagne. Bon, ce qui a permis certainement au film de se tourner dans de meilleures conditions à la fin qu'il n'avait commencé. Mais dites-moi, cher cousin, vous ne trouvez pas étrange que votre femme ait précisément choisi le jour où je viens dîner pour s'en aller en voyage? Elle a dû partir brusquement pour un cas de rougeole. Vous comprenez, un cas subit. La rougeole, oui. Je croyais que vous m'aviez dit qu'elle était partie chez des amis. Mais justement, chez des amis qui ont la rougeole. Oh. Oui. Certainement. Oui. Et où demeure-t-il exactement, ces amis qui ont la rougeole? Ah oui, où ils demeurent exactement. Vous me demandez, cher cousin, où ils demeurent exactement. Ben, c'est bien simple, ils demeurent exactement dans les environs de Brighton, je crois. Vous croyez, cher cousin? Bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Qui? Votre couteau. Comment? Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, alors je croyais que... Moi, j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Circonstances atténuantes, 1939. Circonstances atténuantes, ça, c'est un régal. C'est Arletty et Michel Simon. C'est la chanson, comme de bien entendu. Je crois que c'est formidable. C'est la comédie... parfaite. Et le rôle de la sentence, le procureur de la République que joue Michel Simon, personnage qui est droit comme la justice, il en fait quelqu'un qui s'encanaille. Et il donne une dimension encore à son talent, parce que on savait que sur scène il était capable de jouer des rôles plus souples que ceux qu'il avait joués ou tenus au cinéma. Et là, il donne une mesure de comique à ce qu'il touche. Comme de bien entendu, je suis le plus heureux de la terre. comme de bien entendu. La rose dit à la dit, je ne m'en sais plus. Comme de bien entendu. Mais... Fric-frac, circonstances atténuantes, une pièce de théâtre, deux films et d'autres encore, où Michel Simon et Arletty ont fait couple. Arletty, Milady Larsouille, comme l'appelait Cocteau dans Fric-frac, se souvient aujourd'hui de son partenaire. Mon premier contact avec lui, je pense que je dirais que c'était le bonheur. Oui, il chantait, elle était patente, cette petite femme-là, donc c'est dans le bonheur, mesdames, ça. Oui, je crois pas. C'est le premier contact, au Bouffe Parisien. Alors, comment s'est passé ce premier contact? Vous le connaissiez déjà? Oh, le premier contact, vous savez, moi, rien ne m'épatait. Ça aurait été le plus grand génie du monde que j'ai jamais été épatée par les stars. Alors, je dis, le talent, ça, je suis épatée par leur talent, mais pas par le côté star. Alors, ça m'épatait pas plus. Du reste, il n'était pas plus star que moi, à ce moment-là. Il était très drôle par sa gueule, déjà, Michel. Je crois que c'est lui qui a dit, vaut mieux cette gueule-là que pas du tout, mais il n'avait pas tort. Je crois que c'est lui, enfin, je lui prête, en tout cas. Alors d'abord, très intelligent, très amusant peut-être. Amusant pour ses camarades, non, je ne crois pas tellement, non. Non pas, mais très sympathique. Moi, la preuve, j'ai tellement aimé jouer, tous les deux. Une grande distinction de jeu, il avait un type très fort dans son métier, très très fort. Et excellent camarade, bien sûr. Il avait des petites discussions, il n'était peut-être pas très très chic avec Victor Boucher, qui était... Le prince de notre profession, l'honneur de notre profession. Il était un peu, peut-être, chacun, nous avons des côtés vachards, plus ou moins. Que ce soit lui, que ce soit moi. Mais enfin, il était épatant. Et se croire, où je l'ai aimé d'abord, au cinéma, peut-être ce que je préfère de lui, c'est Monsieur le Sentencier dans Circonstances atténuantes. Pour moi, là, c'est un immense acteur. Dans la direction d'acteur, comment est-ce que se comportait Michel Simon lorsqu'on le dirigeait? Ou fallait-il le diriger? On ne dit pas, monsieur Michel Simon, dites donc, vous allez dire bonjour comme ça, j'aimerais bien voir le metteur en scène qui viendrait dire une connerie pareille. Puisqu'ils me font rigoler avec ce truc-là. Qu'on fasse une masse et qu'on dirige et qu'on soit un chef d'orchestre, je comprends. Mais qu'on apprenne à parler à monsieur Rému, non, je ne marche pas. Ils auraient d'abord un marron dans la gueule, ces types-là. Pas possible. Bah, Michel Simon, on allait lui apprendre à jouer. Et comment était Michel Simon en dehors des séquences de tournage sur le plateau? Est-ce qu'il était attentif? Est-ce qu'au contraire, il était... Il veut s'occuper de ses affaires à lui, de ce qui l'intéressait, de sa guenante, de ses animaux, de son fils. Il était comme tout le monde. Il n'avait pas à être original en dehors du film. Pas du tout. Mais je parle pendant le tournage, sur le plateau. Est-ce qu'il restait attentif aux scènes tournaient? Il respectait son métier, absolument. Ah, mais absolument. Mais bien sûr. Ça n'existe pas, des fantaisistes en dehors de leur scène. Ça sert une blague aussi, ça. La bonne femme ou le bonhomme qui ferait rigoler les copains et pas du tout sur la scène, ça ne marcherait pas du tout. Vous comprenez, ça ne va pas. Non, grand acteur. Très, très grand acteur. Et Fric-frac, alors? Fric-frac a été... C'est au théâtre, ça gagnait au théâtre, Fric-frac. Oui. Moi, je préférais Fric-frac au théâtre. Je crois lui aussi, Michel. Je pense, oui. Est-ce que vous le trouviez différent sur une scène de théâtre et sur un plateau de cinéma, dans son jeu? Ah non, je ne le trouvais pas différent, mais vous savez, il y a plus ou moins de bonheur... Est-ce que vous aviez l'impression parfois qu'il pouvait improviser, que à ce moment-là... Jamais. Un grand acteur n'improvise pas. Jamais il a improvisé, jamais. Ça n'existe pas. Demandez à Rému s'il improvisait dans un texte. Mais non, ça n'existe pas, ça. Il y a des gens qui... Moi, j'ai joué avec Monsieur Jules Berry, il n'a pas improvisé. Mais il n'improvisait pas. Dans certains trucs, lui avait un défaut de mémoire, une mémoire faible. Alors là, c'est une excuse déjà même pour le public. Et comme il avait assez de talent pour remplacer, sauver les mots, là ça se comprend. L'acteur improvisé, j'aurais dû avoir des types, Monsieur Bourdet devant improviser dans son texte. Et lui, Michel Simon, que disait-il de vous? Comment aimait-il jouer avec vous? Je ne lui ai jamais demandé. Vous ne lui avez pas demandé? Je ne lui ai jamais demandé ce qu'il pensait de moi. Mais du fait de jouer avec vous? Mais c'est prouve que nous sympathisions dans le jeu, beaucoup, voilà. C'est une rencontre pour moi heureuse d'avoir été avec lui, dans tellement fait une partie de mon métier avec lui. Il la trouva mauvaise, comme c'est bien entendu, mais elle gagnait du maître, comme c'est bien entendu. Au lieu de rater sa presse, comme c'est bien entendu, il se contente à ses pouces le pied au cul, comme c'est bien entendu. Dans Fric Frac de Minet, il était un Macron veule et tout ça. Alors déjà, j'avais le culot, moi, de tout faire. Et dans beaucoup, dans Fric Frac, dans circonstances, le sentencier, je le dominais malgré tout. Je n'avais pas peur de lui, vous voyez. Alors il est évident qu'il était masochiste et oui, il aurait pu faire des trucs, il aurait fait des trucs assez marrants, assez vachards. Mais quand il tombait sur un numéro comme moi, il était maso, il aimait une gonzesse qui l'engueulait, vous voyez. Devant tout le monde, voilà. Un mazo, quoi. Il voyait ça comme du théâtre. Voilà. C'est le théâtre qui continuait dans ce sens. Je sais qu'il faisait des blagues dans Fric Frac. Dans Fric Frac, il avait décidé de rentrer dans l'armoire, de prendre des casquettes, des machins, des trucs comme ça. Et puis je m'en aperçois. Je m'aperçois. Et je dis au public, moi je m'arrête devant le public, je fais, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il ne doit pas être dans l'armoire à ce moment-là. Tu vas sortir de là, espèce d'ordure. Alors moi, j'ajoutais, j'aurais pu dire ça, vous comprenez? Et là, il adorait. Là, il était heureux, alors c'était le rire. Et alors, il s'adressait après au public, disait, vous voyez comment elle est avec moi? Il disait au public. Elle est épatante, petite femme-là. C'est phénoménal la grâce qu'elle a. Elle est aussi souple qu'un roseau, légère comme un oiseau. Quoiqu'un peu timide et manquant d'appât, elle est très gentille et ne me déplaît pas. Parmi toutes celles qui sont là, il n'y en a pas deux comme ça. On s'est retrouvés au hasard des jours chez d'autres amis qui nous invitèrent et je lui faisais discrètement la cour. On sympathisait comme caractère et puis l'existence nous a séparés. Mais j'ai conservé le souvenir idyllique de son corps menu, joliment cambré, et de sa voix douce au timbre angélique. Elle est épatante, cette petite femme-là, me dis-je en songeant qu'elle m'en sort cela. Qu'est-elle devenue? Je n'en sais rien, mais moi je me souviens. Malgré le temps passé, je le vois devant mes yeux, son air enfantin, ses gestes gracieux. Et mon cœur bien vite la reconnaîtra, y en a pas deux comme ça. En 1945, Un ami viendra ce soir. Daniel Gélin, vous étiez dans ce film le partenaire de Michel Simon. Il y avait aussi, je crois, Madeleine Sologne. Paul Bernard, Saturnin Fabre, des tas de comédiens. Nous étions très très nombreux et c'était une époque bénie où nous tournions à peu près un plan ou deux par jour et nous avions parfaitement le temps dans la cour d'Épinay. Auprès de l'ancien décor de la Kermesse historique, de pouvoir rester sur le gazon, discuter, vagabonder, raconter les histoires fantastiques que nous racontait à la fois Saturnin Fabre, un peu loufoque, et Michel Simon, complètement génial. Alors, peut-être qu'il faudrait nous rappeler le sujet de ce film et camper, au fond, le personnage que vous jouiez, puis celui que jouait Michel Simon. Voilà, alors, c'est d'abord une histoire vraie. Le film s'appelait Un ami viendra ce soir, qui est un titre qui a été... inspiré des appels que faisait la résistance à Londres. En montagne, il y avait un asile psychiatrique. Et dans cet asile psychiatrique, il y avait des vrais malades mentaux et des faux malades mentaux. Et moi, j'incarnais un résistant qui simulait la folie. Et Michel Simon et Saturnin Fabre faisaient de véritables démons. Si bien que étaient mélangés dans une ambiance assez... particulière, tendue, angoissante, mais qui, de temps en temps, s'y faisait rire, c'est faux fou et c'est vrai fou. Et Michel Simon faisait un fou. Et je me souviens, il n'avait pas un rôle tellement important, mais sa présence était telle. Et je me souviens, il portait exactement le même costume À la ville comme à la scène. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec sa petite voiture, il habitait la banlieue de Paris à l'époque. Avec sa petite voiture, il avait un costume, je me souviens, il n'avait pas de chemise. Il avait un costume en lin marron, qu'il avait dû acheter en Italie, avec une veste saharienne. Et comme il a eu, comme beaucoup, pas mal de problèmes, il y a eu une espèce de petit flottement avant que le cinéma recommence après la Libération, il s'était laissé pousser les cheveux et la barbe, qu'il avait une chevelure assez abondante, une barbe assez abondante. Ça lui donnait un air de Rasputin absolument incroyable. Et il faisait un fou qui se prenait pour le président de la République. Et il jouait pas la folie. Mais ce qu'il racontait était tellement extraordinaire, et il le disait avec tellement, comme les vrais fous d'ailleurs, avec tellement d'évidence que c'était ça qui était impressionnant. Il avait fait son service militaire à Genève. Et il détestait ça, il était complètement anarchiste, complètement antimilitariste, et étant donné sa force herculéenne, il était difficile de se faire porter malade, par conséquent, il a été obligé de faire son service militaire, mais on n'a jamais pu le sortir de la caserne, parce que il s'était laissé, là encore, pousser la barbe et les cheveux, et on avait oublié dans les lois, dans les règles de l'armée helvétique, qu'il fallait avoir les cheveux couper les cheveux courts et la barbe rase. Si bien que, on ne pouvait rien lui dire, il n'y avait pas de loi prévue. Si bien qu'il a passé son service militaire dans la caserne à Genève, qu'il sortait jamais parce qu'il n'était pas montrable. Et il est évident que lorsqu'il mettait son képi ou son calot, il était encore beaucoup plus ridicule. Et ça, vous avez une définition, il avait 20 ans, hein. Vous avez une définition parfaite du formidable anarchiste, de génial, qui était Michel Simon. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il avait composé ce personnage de dément, de doux dément, au fond? Mais je vous le dis, c'était avec une espèce de... Moi, j'ai connu des déments, des vrais déments. Et les déments sont des gens qui disent des choses terrifiantes, mais avec un air parfaitement évident. C'est ça le problème même de la folie, et c'est ce qu'il faisait d'une façon fantastique. Et je me souviens, lorsque j'assistais au tournage, évidemment, je me régalais. D'ailleurs, il n'avait jamais la même intonation. On pouvait tourner 12 fois, il avait 12 intonations différentes. C'est un acteur tout intelligent, parce qu'il était non seulement très intelligent, mais très cultivé, mais aussi tout d'invention permanente, de fraîcheur. Enfin. Et je me souviendrai toute ma vie la façon dont il répondait à l'officier allemand, qui faisait une enquête, parce qu'on soupçonnait évidemment qu'il y avait des démons qui simulaient la folie, des résistants qui simulaient la folie dans cet asile psychiatrique. On lui demandait qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Il répondait à l'officier, je suis président. Président de quoi? Président de la République. C'était tellement, avec une telle évidence que ça devenait un peu terrifiant. Et c'était absolument, et tout son rôle était joué comme ça. Et quand il avait des phrases plus longues, j'ai essayé de cerner, de comprendre la façon dont était fait sa façon de phraser et de concevoir son métier. Et à mon avis, c'était basé entièrement sur la schizophrénie. C'est-à-dire qu'il était vraiment scindé en deux. Son personnage était presque toujours schizophrène et il amorçait une idée et subitement il changeait d'idée. C'était la cyclotimie instantanée. Lui-même, à votre avis, maîtrisait cela complètement. Oui, à mon avis, ça s'expliquait comme ça. Ce qu'il faisait, moi j'ai vu tourner Gabin, j'ai vu tourner Freinet, j'ai vu tourner Rému, j'ai même vu tourner Haribord. On pouvait s'expliquer, on pouvait expliquer, comprendre la façon dont c'était fait. Mais Michel Simon, c'était pratiquement impossible de savoir, de voir les ficelles. Mais on peut estimer que c'était une forme de schizophrénie. Et puis personne, je suppose, n'intervenait dans le personnage qu'il composait. Le réalisateur ne disait rien. Non, ça ne l'empêchait pas de savoir exactement comment était le montage, quelle grosseur d'objectif existait. Il avait un métier absolument fantastique et tout était bon, quoi. Tout était bon, c'était absolument prodigieux, quoi. C'était vraiment le génie à l'état pur avec quelque chose d'un peu monstrueux. Panique est un film qui était tiré d'une œuvre de Georges Simenon Et là encore, on retombe dans ce personnage de marginal, mais c'est un film dramatique. On a affaire à quelqu'un qui est angoissant dans son comportement. C'est une petite ville de banlieue, avec sa place aux hautes maisons, son arrêt des autobus, ses boutiques, son café avec sa terrasse et leurs habitués. C'est une petite ville sans histoire où tout le monde se connaît et s'estime plus ou moins. Demain, ce sera la fête. Les manèges déjà s'installent. La nuit tombe, les devantures, les fenêtres, une à une, s'allument. Tout est comme d'habitude. Comme d'habitude, vraiment. Je viens de trouver un cadavre là-bas dans le terrain. Une femme, c'est qui c'est ? Oh, mais par moi, c'est vous. Mais quand on arrive, la nouvelle a fait le tour de la place. Un cadavre. Il a fallu un assassin. Qui peut être l'assassin ? Le boucher, le contrôleur des contributions, le pharmacien à Londres. On les connaît depuis 20 ans. Non, c'est un étranger. Mais il n'y a pas d'étranger ici. Ah, mais... Monsieur Hir. Cet étrange bonhomme qui vit seul à l'hôtel, dont personne ne sait rien, qui ne parle jamais à personne. Vous habitez cet hôtel depuis longtemps ? 3 ans et 2 mois. Votre profession ? Je fais des affaires. Quel genre d'affaires ? Je vends de l'espoir comme les curés et des remèdes comme les docteurs. Vous comprenez ? C'est moi qui interroge. Vous connaissiez cette demoiselle Noblet ? Vaguement. Il vous est arrivé de bavarder avec elle ? Je ne bavarde jamais avec personne. Le jour du crime, à l'heure du crime, que faisiez-vous ? Pour vous répondre, il faudra que je suce quel jour et à quelle heure cette personne a été tuée. Que vous suciez. Vendredi entre 7 et 8 heures du soir. C'est l'heure où d'habitude je fais mes petits achats pour le dîner. Vous étiez seul ? Je suis toujours seul. C'est à vous cet appareil ? À moi. Qu'est-ce que vous faites avec ça ? De la photo. Je vous demande quel genre de photo ? Je m'intéresse aux documents humains et sur le vif. Dans panique, il dérange. Il inquiète, comme dans la vie, là encore. Et c'est un rôle qui, je crois, le situe peut-être plus encore que les autres. Parce qu'il y a une intensité dramatique, il y a une sensibilité, là encore, c'est un paumé, c'est quelqu'un qui est perdu, qui ne veut pas faire de mal, et qui se retrouve quasiment lynché par la foule, parce qu'il est incompris. Mais monsieur Hir n'a pas besoin de preuves pour savoir que vous êtes belle. Oui, vous êtes belle. Voyez-vous, hier soir, derrière ma fenêtre, je me suis senti tout d'un coup très malheureux. Quelque chose est arrivé qui me donne une grande espérance. Je ne sais pas combien il est étrange, ce mot, dans ma bouche. Et pourtant, c'est ainsi. Alors, écoutez-moi. Vous êtes en danger. Cela seul compte. Rentrez chez vous. Évitez Alfred le plus que vous pourrez. Ah, je voudrais pouvoir vous emmener loin d'ici tout de suite. Mais qu'en déduirait le commissaire de police ? Le quartier où l'on m'accuse déjà de tant de méfaits. C'est pour vous que je tremble. Permettez-moi que ce soir, vous serez seul chez vous. La beauté du diable, 1949. Dans ce film, Michel Simon a obtenu un prix d'interprétation en 1949 au festival de Punta del Est. Et pour jouer le Mephisto, il avait pris l'accent d'un pasteur genevois. Et ça avait choqué les pasteurs suisses, et il s'en était ouvert à lui. Alors il leur avait répondu qu'il avait lu dans une œuvre de Thomas Mann que le diable était un pasteur genevois et qu'il y faisait ainsi référence. En réalité, avoue à Michel Simon, je ne l'avais pas lu, c'était un mensonge. Et jouer là avec Gérard Philippe, je crois que c'était la rencontre de deux monstres. Oui, le mot rencontre prend tout son sens quand on sait l'estime réciproque qu'ils se portaient. Il y avait une grande rivalité entre eux, et ils ne s'aimaient pas trop. D'ailleurs, la rivalité était également sur le plan physique. Et il y a eu, lors du tournage, une compétition sportive, une course à la nage, et c'est Michel Simon qui l'avait remporté. Bon, c'était un athlète, c'était quelqu'un de très puissant physiquement. Mais c'est vrai qu'ils avaient tous les deux, je pense, des idéaux totalement antagonistes. Oui et non. Je ne sais pas, je crois surtout que c'était une question de personnalité. Sur le fond, ils auraient pu être d'accord, je pense, mais les personnalités étaient si fortes qu'elles ne pouvaient faire autrement que de s'affronter. En 1949, pour La beauté du diable, Michel Simon obtient le ruban d'argent au Festival de Venise, ce qui lui permet d'ailleurs d'exprimer ses sentiments mitigés à l'égard des festivals. Ce ruban d'argent a été pour moi une véritable surprise parce que ça fait, je crois, 5 ans que les producteurs pour qui je travaille envoient mes films qui étaient des récompenses ou des approbations à différents festivals. Vous n'avez pas l'air de porter les festivals dans votre cœur. Eh bien, si, il y en a deux qui ont pris une grande place dans mon cœur. C'est celui de Locarno qui m'a accordé une récompense il y a 3 ans pour Non coupable et puis le dernier de Venise pour La beauté du diable. Quant aux autres ou à l'autre... Et je crois que vous pensez là à un festival national et méditerranéen. Plus. Ne précisons pas plus. Ça, j'ai une certaine rancune parce que nous avons envoyé d'excellents films comme Panique, par exemple. C'est un film qui a obtenu dans le monde entier un énorme succès, qui a été considéré par toute la presse étrangère comme l'un des plus grands films français de son temps. Eh bien, Panique a été évincé du festival en question parce que son esprit ne correspondait pas à l'esprit du dit festival. Et pour d'autres raisons, un film comme Non coupable, qui a obtenu une récompense à l'étranger, a été renvoyé. Alors voilà. Alors donc on peut dire que tous les festivals ne sont pas coupables et qu'il faut plaider là alors non coupable aussi, n'est-ce pas ? Oui, il faut connaître les bonnes adresses. Didier Baudet est aujourd'hui directeur de production. Son souvenir de Michel Simon remonte à une 20aine d'années, lorsque le ciné-club de son lycée, en Normandie, organisait des rencontres avec les gens de cinéma, réalisateurs, techniciens, acteurs. En 1960, sur le plan professionnel, Michel Simon n'était plus au niveau qu'il avait connu. Et ce n'est que quelques années plus tard qu'il allait redevenir le grand Michel Simon et connaître cette fabuleuse fin de carrière qu'il a eue, notamment avec le tournage du Vieil homme et l'enfant. On a donc vu arriver un monsieur déjà âgé, qui s'il avait toujours gardé la même carrure imposante, marchait difficilement et parlait avec effort. Il était fatigué de tout, et c'est le côté désabusé, râleur, plein d'acrimonie du personnage qui est d'abord ressorti. Il nous a raconté notamment la période dramatique qu'il venait de traverser, et qui n'était d'ailleurs pas totalement terminée. Pour les besoins d'un film, on lui avait teint les cheveux. Mais la teinture avait été mal faite, avec un mauvais produit. Résultat, cela lui avait provoqué un empoisonnement du sang extrêmement grave, puisqu'il avait failli en mourir. Il avait des problèmes de mémoire, d'équilibre, et il était encore incapable de mener une vie normale, a fortiori de pouvoir tourner des films. Mais le comble, c'est qu'il me semble bien qu'il nous a raconté que les producteurs, loin de le plaindre ou d'être près de lui dans ce moment difficile, s'étaient retournés contre lui et voulaient lui faire un procès. On a dit souvent que Michel Simon était atteint de la maladie de la persécution, mais si cette histoire est vraie, il faut dire que vraiment il y avait de quoi. Mais bientôt, les gens qui étaient là et qui étaient des amoureux du cinéma ont commencé à lui parler non pas de ses films alimentaires, mais de Jean Vigo, de La Talente, de Renoir, de Boudu, Sauver des eaux, de La Chienne, enfin de tous ces films-là, de tous ces films mythiques de Michel Simon. Et là, d'un seul coup, tout a basculé. Le côté bougon, râleur, amer a complètement disparu. Et on a découvert un Michel Simon débordant de tendresse, qui a parlé de Vigo et de Renoir avec une émotion, un amour qui nous ont tous laissés pantois, enfin qui nous ont vraiment véritablement bouleversés. Pour lui, on a compris qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. C'était les films qu'il préférait. Le père Jules de La Talente, Boudu, c'était ses personnages à lui. Mais il gardait ça secret, et il n'osait pas le dire, parce que lorsque les films étaient sortis, il n'avait eu aucun succès. Il s'était fait complètement démolir par la critique, les producteurs en avaient eu honte, ils les avaient remontés, massacrés, ils en avaient même changé les titres. La Talente, par exemple, c'était devenu le chalon qui passe. Parce qu'à l'époque, il y avait une chanson de Lise Gauthier qui s'appelait comme ça, et qui avait eu du succès. Alors les producteurs s'étaient dit que peut-être le film, à cause de ça, pourrait marcher. Et nous, là, on ne lui parlait que de ces films-là. C'était ceux qu'il aimait, et on lui disait qu'on l'admirait à cause de ces films-là. Et brusquement, il s'est mis à pleurer. Et je dois dire que cette image de Michel Simon pleurant de reconnaissance, 30 ans après, rendez-vous compte, 30 ans après... Roger Corbeau est photographe de plateau. Pour lui, son métier, plus que l'instantané d'un tournage, est l'art du portrait, pour lequel doit s'établir une communication étroite entre l'acteur et son photographe. En 1939, dans Fric Frac, et en 1945, dans Un ami viendra ce soir, Roger Corbeau et Michel Simon s'étaient rencontrés. C'était un homme très réservé, il ne se mêlait pas beaucoup à l'équipe. Personnage, pour moi, extrêmement insolite. Personnellement, je trouvais que c'était un très bel homme, c'est-à-dire qu'il était très, très grand. Son visage, pour moi, est un visage sublime. Au moment des portraits, ça devenait absolument affolant, car là, il pouvait changer de physique, il en devenait beau par moments. Cheveux, moustaches et abondante barbe noire, le regard lointain et pénétrant, deux marguerites dans les cheveux, une marguerite dans la barbe. Ainsi, Roger Corbeau avait saisi le dément qu'incarnait Michel Simon dans « Un ami viendra ce soir ». J'ai eu l'idée d'éclairer, tiens, si je mettais une marguerite. Donc j'en ai mis trois, finalement. Et ceci l'a beaucoup amusé. D'ailleurs, elles sont placées de façon extrêmement symétrique. Et ceci l'a très, très décontracté. Et là, Michel s'est amusé. C'est là où je l'ai vraiment vu, une des rares fois où je l'ai vu rire très, très franchement. Il rigolait, il trouvait ça très amusant, l'histoire des marguerites. Comment fallait-il éclairer Michel Simon ? Comme beaucoup de grands acteurs, il avait le sens de la lumière. Il était d'une patience énorme, considérable. Pour les portraits, il voyait lorsque la lumière était prête. Il se rendait compte, à ce moment-là, je travaillais toujours avec de très très grandes poses, et je lui disais, maintenant Michel, il faut se mettre en état, j'aimerais. Telle et telle pensée, telle et telle pensée. Et à un moment donné, j'étais obligé de lui dire, ça y est, je fais la photo. Et vous aviez toujours l'impression qu'il était plongé dans une intériorité de ses pensées. Toujours est-il que lorsqu'il voyait que c'était prêt, il le sentait. Et à ce moment-là, son visage subissait des transformations diverses. Car c'était un des mystères en ce qui concerne Michel Simon. Et c'est un mystère certainement qu'il ne détenait pas, enfin, qu'il ne maîtrisait pas. À la scène ou au cinéma, comme dans la vie, les éternels compagnons de Michel Simon étaient les animaux, mais vraiment toutes sortes d'animaux. Françoise Seigné. Michel Simon avait trouvé des blattes, évidemment, dans la loge qu'il occupait. Et comme il aimait ces petites bêtes, il leur donnait à manger. Il ouvrait le tiroir de sa tablette où grouillaient toutes ces petites bêtes. Il disait, mes petites bêtes, elles sont bien là. Saguenon, Zaza. Oh, Zaza est morte de chagrin parce que je me suis éloigné pendant 2 mois. Elle ne me voyait plus, alors elle a fait la grève de la faim. Elle s'est suicidée. Avant la première du fric-frac, il avait perdu Zaza, Saguenon. Donc il avait même un petit crêpe, vous voyez, il portait un petit crêpe de Zaza comme un veuf. Ouais, ouais. Et alors, il était donc encore très triste. Et moi, nous nous regardions comme on fait dans toutes les couturières, on regarde comment elle est, on se dit, ah bah ton truc c'est bien, ou c'est mal, c'est comment tu me trouves? Et il fait, juste avant d'entrer, il fait, c'est fou ce que tu ressembles à Zaza. Alors vous voyez la bonne femme, eh ben, j'avais le trac, ça me l'a coupé, j'ai dit, vont voir rentrer une guenon, c'est gagné à l'avance. En sortant, je lui dis, mais en quoi est-ce que je lui ressemblais? Très malin, très fortiche, il fait, dans la coiffure. Et Zaza était extraordinaire, elle attrapait des mouches, elle n'a jamais tué une mouche. Elle attrapait des mouches avec une habileté déconcertante, et souvent je me disais, tu me fais une blague, c'est pas possible, tu n'as pas de mouche dans la main. Elle ouvrait ses doigts et la mouche s'envolait, elle n'a jamais tué une mouche. Alors que, quand je pense que des êtres aussi sensibles sont livrés à la merci de fous sadiques qui sont incapables aujourd'hui de guérir un rhume de cerveau sous prétexte de la science, alors moi aussi je me mets en colère, non ? Le petit oiseau. Si j'étais un petit oiseau, je n'aurais pas de plumes. En été, ça tient trop chaud. En hiver, on s'enrhume. Si j'étais un petit oiseau joli, j'aurais un joli chapeau pour saluer tous mes amis. Enfant. Michel Simon aimait l'être. Il avait même choisi de l'être au théâtre dans un de ses derniers rôles en 1959. Le collégien Théodore cherchait des allumettes. Léon Lessac. Monsieur Michel Simon avait accepté, il y a de ça une vingtaine d'années, de jouer Boubouroche et Théodore cherche des allumettes de Courteline. Il était absolument remarquable dans le rôle de Boubouroche, à la fois d'une drôlerie irrésistible, mais aussi d'une tendresse et extrêmement touchant. Quant à Théodore, il était tout à fait étonnant, inattendu, extraordinaire. Vous l'imaginez en collégien, avec sa taille et son physique, vêtu d'un uniforme étriqué et coiffé d'une casquette sans forme. Et il avait quel âge à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, Michel Simon devait avoir la soixantaine, et moi, à peine la quarantaine, quoi. Théodore, qui a donc 14 ou 15 ans, rentre chez lui en pleine nuit, complètement éméché, et il cherche des allumettes pour éclairer sa chandelle. Il fait un vacarme épouvantable, et il réveille les voisins et son père. Et le père, c'était moi. Et quand le metteur en scène nous a présenté, moi j'étais pas dans mes petits souliers, bien sûr, et alors j'ai vu l'œil égrillard et rigolard de Michel Simon, sans plus, il n'a absolument rien dit. La répétition débute, ce grand bonhomme avec les cheveux gris faisant un garçon de 15 ans, c'était vraiment fabuleux. Et comment est-ce que vous sentiez fabuleux. Ça Comment ça s'opérait en lui, le fait tout d'un coup de devenir un garçon de 15 ans? Tout d'un coup, avec les répliques du personnage, on oubliait complètement et son âge et son physique. C'était extraordinaire. Et vous arriviez vraiment à vous sentir son père? Et alors, ma scène arrive, nous sommes face à face... Et le père doit dire « Ah, c'est toi Théodore qui fais ce raffu, ça grippant, ça. » Et Michel Simon devait répliquer « Oh, papa !» Et on n'a pas été plus loin parce qu'il s'est mis à rire, on était plié en deux, on ne pouvait plus enchaîner une réplique, on riait comme des fous. Et puis enfin, bon, la répétition s'est très bien passée et les représentations aussi. Et puis j'ai eu l'occasion de retrouver Michel Simon plusieurs fois. Et sa plus grande joie, c'était de dire aux personnes qui étaient autour de nous, « Je vous présente mon père ». Et on repartait du même éclat de rire qu'aux répétitions. Il aimait étonner Michel Simon, et puis il aimait même un peu choquer de temps en temps, ça ne lui déplaisait pas. C'est quand même curieux, cette oscillation à me cacher des allumettes. Dirait-on pas que je vais mettre le feu? Non, mais j'ai dit une tête à mettre le feu, le diable y serait. J'ai encore me conduire en société. Pour moi qui glisse, c'est le parquet. Ah, moi, j'ai ça de bon, je peux avoir mon compte bien pesé, pas moyen qu'on s'en aperçoit. Bon pied, bon œil. Et pas le moindre embarras dans la langue. Sauf pour certains mots difficiles, comme par exemple l'oscillation. C'est pas que je puisse pas les dire, non, mais c'est que véritablement, on ne peut pas les prononcer. La langue française est pleine de difficultés. Tous les étrangers vous le diront. Oh, j'ai bien rigolé, crénom. Trouduc a été poilant. Sauf quand il voulait entrer dans un fiacre en passant par la lanterne. on n'a pas idée de ça, de vouloir entrer dans un fiacre en passant par la lanterne. Oh, j'ai bien rigolé, crénom. Ensuite, j'ai cassé le pot à eau. Mais où s'est dit que la femme de ménage a pu fourrer les allumettes? C'est-il qu'elle a pu les fourrer? Rosse de femme de ménage qui me les a cachées exprès pour me faire des blagues. Elle aura de mes nouvelles, la femme de ménage. C'est le jour de l'an dans 8 mois, tu parles si j'y fous des étrennes. Mais c'est-il qu'elle a pu fourrer des allumettes? Avec ça, j'ai comme une idée que j'ai reçu un coup de pied dans le cul. Seulement où? Ah! Dans la table de nuit. Ah, oh, ça c'est rigolo, on a barboté la rampe de l'escalier. Je vais prévenir la concierge. Mais où que c'était que la femme de ménage a pu fourrer les allumettes? En 1975, Michel Simon a tourné son tout dernier film avec Jean-Pierre Mocky. Et là, son dernier film, Les Bis Rouges, c'était en hiver à 75. Et il est mort en mai 75. Leur rencontre datait de 1960, car à cette époque-là, Michel Simon hantait les salles de projection, dévorant les films des jeunes réalisateurs à la recherche de ceux qu'il pourrait aider. Il cherchait aussi à s'intégrer à la nouvelle vague. Jean-Pierre Mocky sortait son film Snob à ce moment-là. Michel Simon l'avait aimé et s'en souvenait. Il y avait aussi la reconnaissance de Jean-Pierre Mocky pour le comportement de Michel Simon face au cinéma d'auteur. Car déjà, dans les années 30, pour permettre au film de se faire, il acceptait d'être payé en participation. C'était unique. Alors, Jean-Pierre Mocky lui a proposé ce personnage à sa mesure. Personnage de mythomane qui était marchand de journaux. Mythomane, un espèce de bougon comme ça, qui se faisait passer, parce que c'était une histoire policière, que je ne raconterai pas là, c'est trop long, mais une histoire policière dans laquelle on ne savait pas qui était l'étrangleur. C'était un étrangleur que la police recherchait. Et le personnage de ce marchand de journaux, de ce vieil original, s'accusait d'être cet étrangleur. Et à la fin du film, on apprenait que c'était pas du tout lui l'assassin, mais que pour qu'on parle de lui, parce que personne s'intéressait à ce type, il faisait semblant d'être l'assassin pour qu'on s'occupe de lui. Michel Serrault et moi, qui avions une grande admiration pour Michel Simon, on s'est dit, ce personnage, qui logiquement était un rôle d'une quinzaine de jours, c'est-à-dire un rôle assez épisodique, on s'est dit, ça serait formidable si Michel Simon voulait le tourner. Alors Michel Simon, depuis qu'il avait eu la barbe empoisonnée, on disait qu'il avait plus de mémoire. Alors dans ce marchand de journaux, il y avait, dans le personnage, il y avait ce qu'on appelait le tunnel, c'est-à-dire un tunnel, un monologue. Or, tout le monde m'avait averti, enfin, que lui ne pouvait plus, il était foutu, qu'il ne pouvait plus rien faire parce qu'il avait plus de mémoire. Nous, on a dit tant pis, on lui mettra un tableau, tout ça. Alors je suis allé me présenter chez lui. Et on a tourné au canal Saint-Martin, à l'endroit exact où il avait tourné l'Atalante. Il voulait prouver aux gens qu'il était capable de dire un long texte. Et alors voilà, alors moi j'ai eu cette amitié brève avec lui, qui était quand même de 3-4 mois, puisque nous avons tourné en janvier, comme toujours je tourne en hiver, il faisait très froid. Et il y avait un petit noir qui jouait avec lui, alors il lui achetait des sous-vêtements, parce qu'il était très bon, ce garçon, très bon. On a dit qu'il était méchant, qu'il était hargneux. C'est un homme d'une grande... Il était toujours seul, d'ailleurs, et il était accompagné uniquement par une dame, qui était une grande dame, qui a tourné dans le film, d'ailleurs, un petit rôle, qui était soi-disant sa femme. Enfin, on ne sait pas très bien ce que c'était exactement, mais elle était très, très gentille. Mais comment voulez-vous donner un conseil à un type qui possède, si vous voulez, son métier à ce point? C'est-à-dire, vous lui disiez, tu t'assois là, il était dans sa cabane de journaux. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? On lui disait, tu dis ça, tu prends le journal, tu dis ça. Alors on lui disait ça, il me dit, il ne discutait d'abord pas, il faisait ce qu'on lui disait, mais il le faisait tellement bien du premier coup qu'il était pas nécessaire d'en faire un deuxième. Et puis c'était un homme qui savait tout, il inventait au fur et à mesure, quoi. C'était surtout sa bouche qui était bizarre et qui donnait cette espèce de profondeur du personnage, comme ça, parce qu'il avait une drôle de bouille, quand même, on vient le dire. Et cette bouille lui permettait, finalement, d'avoir n'importe quelle voix et n'importe quelle intonation, c'était bon. Même si l'intonation était fausse, je dis à la limite, à certains moments, ça pouvait arriver qu'il dise « bonjour », pas de la manière exacte dont on l'aurait indiqué un acteur de la Comédie française. Donc, si ça avait été dit par un autre acteur, ce serait faux. Il avait une âme de jeune premier. Donc, ce qui fait que ces personnages de mythomanes, vieux marchands de journaux, ou des personnages de Clo-Clo, ou des choses comme ça qu'il a joué dans Jean de la Lune, ou bon, même le Boudu, faut sauver les autres, tout ça était très loin de lui, en fait. Très, très loin, parce que lui, c'était un intellectuel, premièrement. Et ils jouaient des personnages justement de la rue, des, comme des vagabonds, des paysans, des crétins. Ils faisaient plutôt ça, alors qu'ils étaient en pleine composition. Ils n'étaient pas du tout comme ça dans la vie, pas du tout. Est-ce que vous arriviez à cerner comment justement il composait ce personnage? Comment ce vieux marchand de journaux, un peu mythomane, tout d'un coup? Mais il se laissait aller, si vous voulez, à son âge. Il avait quand même un certain âge, donc c'était un vieux marchand de journaux. Donc il jouait le vieux, alors que quand on parlait avec lui à table, il avait un ton jeune. Et puis il était toujours étonné, si vous voulez. Il avait un côté candide. Je vous dis, c'était un type candide dans la vie. Et quand il devenait bougon, si vous voulez, quand il jouait. En fait, il devenait toujours bougon. Vous me direz que certainement d'autres gens l'ont peut-être ressenti différemment, parce qu'avec moi, il y avait quand même tout cet artisanat qui accompagne mes films. Donc, si vous voulez, il était un petit peu à l'aise chez moi, c'est-à-dire il n'avait pas d'ennemis. En plus, tous les Serrault étaient admiratifs, le Poulain était admiratif. Donc, si vous voulez, Galabru, ils étaient complètement éberlués d'avoir l'honneur de tourner avec Michel Simon. Alors, il s'est senti, si vous voulez, brusquement un peu dans les films d'avant-guerre. Et il nous a donné justement ce côté un peu d'avant-guerre dans le film, parce que les autres acteurs ont fini par jouer un peu avant-guerre avec lui. Donc il s'est retrouvé dans un film qui lui rappelait un petit peu ses films à succès. Portrait de Michel Simon par Jean Cocteau. Un miracle. Michel Simon. À l'écran, il brise les cadres. Et pareil au Tzigane qui abandonne l'estrade et se coule entre les tables jusque dans la rue, il dépasse la zone du théâtre et du cinéma, il survole l'intrigue, il s'enfonce sous le drame et le vaudeville. Il aborde dans la région vierge où aucun tribunal n'existe, où la critique ne fonctionne plus, où le génie, cessant de se localiser, devient le génie d'Ariel, le génie pur. Ariel et Caliban forment un monstre délicieux, qui pose des énigmes et les dénoue, non plus comme un prestidigitateur, mais comme un prophète. Certes, nous savions que chaque rôle, chaque film sont pour Michel Simon le prétexte de nous émouvoir, de nous effrayer, de nous troubler, de nous faire éclater de rire. Nous savions qu'il marche sur l'ouate du rêve et bredouille à la manière des sources, des feuillages et des tables tournantes. Nous savions que, sans insister, sa présence remue toutes les boues des psychiatres, toutes les pénombres et tous les complexes. Nous savions que c'est à lui qu'on pense, en face de l'atroce et de la merveilleuse photographie de Nijinsky fou. Il se décide, saute, s'élève, lévite et semble en l'air, les bras en croix, quelques moines sacrilèges dans une sacristie fausse. Comment fait-il ? Comment est-il là et pas là? Pâteux et fluide, naïf et subtil, innombrable, fourmillant et d'une ligne qui jamais ne s'estompe. Comment est-il si vague et si net, si clair et si nocturne, si direct et si louche? Je me le demande, car cet artiste qui pose des énigmes est une énigme lui-même. Et j'estime que la grandeur de Michel Simon vient de ce que ni lui, ni aucun autre ne peut la résoudre. Petit à petit, je me suis accoutumé à voir sur l'écran un personnage qui est moi, paraît-il. Enfin, j'en ai pris mon parti. Ça va durer comme ça jusqu'à ma mort, évidemment. Il faut se faire une raison, on ne se change pas. Mais évidemment, je sens toujours des limites et je ne fais jamais ce que je voudrais faire. Et ça, je crois que c'est le désespoir de notre métier. C'est bien le cinéma qui nous l'apporte, parce qu'il nous donne la preuve de ce que nous avons fait et nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous ne pouvons pas nous corriger, nous ne pouvons pas gommer. Nous jouons avec l'absolu, sans aucune méthode, dans l'obscurité, au hasard, à tâtons. Et quelquefois ça réussit, mais ça n'est pas fatal. Michel Simon, avec Arletty, Françoise Seignier, Didier Baudet, Roger Corbeau, Daniel Gélin, Léon Lessac, Jean-Pierre Mocky, Xavier Pasquini et les archives de l'INA. C'était Michel Simon, un mardi du cinéma proposé par Simone Dweck, diffusé la première fois le 23 avril 1985 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.